1. Si je baisse la tête, tu crois peut-être que je flippe? Non, c'est que je regarde ma nouvelle paire de baskets que je kiffe, il me fait. Wesh Carla, bien ou quoi? Ça dit quoi? Bah écoute, ça rappe, j'ai un petit concert samedi soir. Non, sérieux, franchement, ça fait plaisir. Il te reste des places? Non, désolé pour toi, la salle est pleine. Ah ouais? C'est pas grave, je serai là à la prochaine. Enfin, si je taffe pas, surtout si j'ai des places pas trop chères. En tout cas, ton rap tue, t'as des bêtes de phase. Ouais, ouais, tu disais pas ça il y a quelques semaines de ça. Hein? Tu pensais que je pourrais pas, fallait que je demande de l'aide. Tu savais pas que j'avais les crocs à l'époque, pas des dents de lait. Non. Maintenant tu me suis, allez trace ta route. En plus tu te la racontes dans ta Mercedes classe à rouge. Non, je te jure mon pote, t'as un talent fou. Allez dégage d'ici avant que ta tête me serve de ballon de foot. Ok, j'ai pas le temps. Au début vous étiez où? Maintenant que j'ai des bons plans, vous venez me parler, vous êtes des oufs. Allez, bougez, ne me parlez pas comme à l'époque. Venez pas gratter l'amitié parce que j'ai déjà des potes. Ok, j'ai pas le temps. Au début vous étiez où? Maintenant que j'ai des bons plans, vous venez me parler, vous êtes des oufs. Si tu me parles, utilise plus de chiffres que de lettres. Ok? De chiffres que de lettres. Et y'a cette meuf MySpace. Salut, comment ça va? Depuis que je t'ai découvert, je squatte souvent ta page. T'as un style carrément à part, ça déchire. Moi c'est Jessica, j'habite dans un appart, à plaisir. Je te trouve pas mal à vrai dire. Quand ton album va sortir, je vais courir acheter le disque. Si tu me l'offres, ça pourrait le faire aussi. Si dessous, je te laisse mon MSN et mon 06. Si on pouvait se voir, ça serait sympathique. Tu peux passer chez moi si tu veux samedi de 5 à 6. J'ai un mec, mais en ce moment ça tombe à l'eau. Donc je te laisse, il va sûrement rentrer d'un moment à l'autre. Eh, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Salut. J'ai bien reçu ton message, merci. Ainsi que tes photos avec tes 3 ou 4 piercings. Pense à ton mec, je voudrais pas qu'on se tape. En plus, depuis quelques semaines, j'ai une relation stable. Et puis si tu veux mon album, ben tu l'achètes. Et dans ce cas, tu m'envoies ton adresse plus un chèque. C'est pas gratuit et ça, je l'ai assez dit, y a rien à gratter chérie. Carna c'est pas les ascétiques, ok? J'ai pas le temps. Au début vous étiez où? Maintenant que j'ai des bons plans, vous venez me parler, vous êtes des oufs. Allez, bougez, ne me parlez pas comme à l'époque. Venez pas gratter l'amitié parce que j'ai déjà des potes, ok? J'ai pas le temps. Au début vous étiez où? Maintenant que j'ai des bons plans, vous venez me parler, vous êtes des oufs. Si tu me parles, utilise plus de chiffres que de lettres, ok? De chiffres que de lettres. Depuis petit on s'accroche tous à nos rêves. Pas de piston donc on écoute grâce aux bouches à oreilles. J'avais contacté cette distrib pétée. Bonjour, je m'appelle Carnage, je prépare un petit strip CD. Je connais pas, c'est quoi ton budget prévu? Si t'as pas 30 000 E, c'est sûr que ton CD trébuche. T'as qui en featuring, faut des têtes d'affiche. Si t'as tout ça, je te distribue en France et peut-être l'Afrique. Je lui dis j'ai rien du tout parce que je débute à peine, il me dit. Envoie-moi ta maquette, en début de semaine tu m'appelles. Après 3 semaines de messagerie, il me dit j'ai pas le temps, c'est grillé, rappelle-moi dans 6 mois du style février. Mais 2 mois après, il me rappelle et il me dit j'ai écouté ta maquette, ça déchire, veux-tu qu'on distribue le disque? T'as du talent et franchement, je m'y attendais pas. Je lui dis va te faire enculer, mon album est déjà dans les bacs. Ok, j'ai pas le temps. Au début, vous étiez où? Maintenant que j'ai des bons plans, vous venez me parler, vous êtes des oufs. Allez, bougez, ne me parlez pas comme à l'époque. Venez pas gratter l'amitié parce que j'ai déjà des potes. Ok, j'ai pas le temps. Au début, vous étiez où? Maintenant que j'ai des bons plans, vous venez me parler, vous êtes des oufs. Si tu me parles, utilise plus de chiffres que de lettres. Ok? Plus de chiffres que de lettres.